Après Tchernobyl, nous vivons dans un monde différent. Il s'est produit un événement pour lequel nous n'avons pas de système de représentation, ni analogie, ni expérience. Un événement auquel ne sont adaptés ni nos yeux, ni nos oreilles, ni même notre vocabulaire. Tous nos instruments intérieurs sont accordés pour voir, entendre ou toucher. Rien de cela n'est possible. Pour comprendre, l'homme doit dépasser ses propres limites. Une nouvelle histoire des sens vient de commencer. La supplication de Svetlana Alexievitch. C'est un texte qui date de la fin des années 90, après la catastrophe de Tchernobyl. Et moi, j'ai été très impressionnée par cette dernière phrase. Une nouvelle histoire des sens vient de commencer. Est-ce que ce texte parle d'une impuissance ? D'une impuissance à sentir, à percevoir, à comprendre ? Éprouver la catastrophe, enfin sentir en l'occurrence la contamination, la radiation. Nos corps, nos âmes ne sont pas équipés, non pas seulement pour comprendre ce qui va venir ou pour partager une expérience avec autrui, mais même pour savoir ce qui est en train de se passer à l'intérieur de chacun. Et là, dans cette idée qu'une nouvelle histoire des sens vient de commencer, ce qui apparaît, c'est que il est devenu difficile de savoir ce qui va venir, de comprendre les effets, l'aventure à l'intérieur de nous de ce qui s'est passé. Mais il est même très difficile de comprendre à quoi on a affaire, de quoi la réalité, de quoi le présent est fait. Nous étions là, assis en tailleur sur un tapis, et Marielle Masset m'invitait à prêter attention à ce que l'on dépose dans l'espace public. Quelles paroles, quels actes, quels récits fabriquons-nous dans ce monde incertain ? Dire la peur face au changement climatique, à la sixième extinction de masse, au méga-feu, à l'empoisonnement des sols et de l'air, allume un compte à rebours, mais ne nous outille pas. Or, il nous faut bien rompre avec ce sentiment d'impuissance, de frustration, et en 2021, des luttes crient victoire. Un jeune mouvement écologiste gagne l'affaire du siècle. La justice ordonne au gouvernement de réparer le préjudice écologique dont il est responsable au regard du non-respect des réductions des émissions de gaz à effet de serre. En Suède, Andreas Malm nous invite dans son livre « Comment saboter un pipeline » à l'action directe. Et comme en rebond, les Sioux aux États-Unis de Standing Rocks gagnent une première bataille, la fermeture temporaire de l'oléoduc Dakota Access. Les récits, au cœur de l'écocide, élargissent notre compréhension du monde environnant et font écho, voire anticipent, une transformation majeure et à venir du droit international. Écocide, qualifier le crime, vu du ciel, l'agent orange. Vous avez beaucoup de médicaments aujourd'hui à prendre ? Pour le cœur. Il est apparu aussi une petite tumeur sur le foie. Trentonia, à plus de 80 ans, s'est engagée dans un combat de longue haleine contre les multinationales qui ont fabriqué l'agent orange. Une arme chimique de haute toxicité. On laisse comme ça. Aux avant-postes avec les Viet Cong, l'armée de libération du Vietnam, les pieds dans les marécages, elle a pris note d'un écocide. Un drame écologique et humain qui ne portait alors pas encore de nom. Trentonia aime se dire poussière parmi les poussières et les silencieux. Comme sa mère, résistante, elle ne parle pas sous la torture. Et il n'est pas encore né celui ou celle qui la fera taire, malgré les menaces qui pèsent sur elle. Je suis la fille du Mékong, du colonialisme et de la guerre. L'enfant d'une terre magique et empoisonnée. J'ai vu le jour le 30 mars 1942 à Chok Trang, une bourgade du Delta, la région la plus riche du pays, l'un des deux greniers à riz du Vietnam. La nuit appartient au Viet Minh, dit-on partout. La nuit appartient au Viet Minh. Le soir venu, Quand l'obscurité gagne les rizières de Denta, ou les faubourgs de Saigon, les combattants passent à l'action. Les vrais combattants nous surnomment, nous les journalistes, les soldats du coude. Car on s'appuie sur le coude pour écrire sur les routes. Kratonia, depuis l'âge de 8 ans, vous êtes une agent de liaison. Oui, c'est vrai. J'ai devenu comme ça une petite agente de liaison et jusqu'à présent aussi, je le suis encore. Ma mère était du côté de Viet Minh. Elle était une militante partisane de Viet Minh. À ce moment-là, on appelait les résistants les Viet Minh. Antonia a trouvé un mousquetaire pour mobiliser l'opinion internationale, André Bouny. Cet allié est le premier alerteur en France des conséquences de l'agent orange. Il faut dire que la France ne fut pas en reste avec la guerre coloniale qu'elle mena bien avant les Américains en Indochine, avec cette arme secrète, le napalm, que le général Delattre vantera devant toute la presse. Que toute la chasse y soit, que cela mitraille, que cela bombarde, du napalm, en masse, je veux que tout autour, ça grille les viettes. Mais à la fin des années 90, c'est les ravages de l'agent orange, épandu par les Américains lors de la Seconde Guerre du Vietnam, qu'André Bouny croise dans les rues de la capitale. C'est cet homme d'une trentaine d'années qui s'affaire autour d'une bonbonne de gaz. Il a transformé en réservoir d'air comprimé raccordé au moteur d'une vieille mobilette pour faire un compresseur. L'homme mesure 60 cm et n'a ni bras ni jambes. Grâce à des mouvements brusques d'épaule d'un côté à l'autre, il se déplace en pivotant sur son coccyx culotté d'un morceau de pneu de camion. Et, avec ses moignons de bras, en forme de petites nageoires, il regonfle les roues des vélos, cyclopousses et cyclomoteurs, avec une étonnante rapidité. Il n'a pas de nom, on l'appelle QT, Penguin. Il fait avancer ou reculer le cycle du client quand la valve n'est pas à bonne hauteur. Il n'a pas d'âge, pas d'adresse. Il vit ici, à l'angle de cette rue. Vous le revoyez, cet homme ? Oui, oui, je le revois, avec le visage bleui par les gaz d'échappement. Mais on rencontre beaucoup, beaucoup de handicaps dans les rues, dans les villes. Mais peu de gens connaissent l'agent orange, peu de gens imaginent que ça puisse venir de ça. Et vous, en un seul coup d'œil, vous pouvez reconnaître des personnes qui sont atteintes ? Oui, je les reconnais tout de suite. Si on partage le même handicap, j'ai envie de dire, on a le coup d'œil. Hein. On voit très vite si la personne appartient à votre catégorie, en quelque sorte, ou pas. Vous avez été de nombreuses fois au Vietnam. Vous avez parcouru le Vietnam. De quelle manière ? Au Vietnam, les distances n'ont pas le même sens que chez nous. On ne parle pas en kilomètres, on parle en heures, en temps. Combien mettons de temps pour aller d'un point à un autre ? Je me trouvais aussi bien dans le bidonville, en traversant sur une planche. Je ne vous dis pas ce qu'il y avait autour, il valait mieux pas louper. Souvent, c'était d'anciens poteaux électriques couchés qui faisaient passerelle. Et puis, lorsque j'étais dans un port, je me poussais sur les bras et je me portais, j'avançais à coups d'épaule en m'asseyant au sol. Ou pour prendre un bateau, si c'était vraiment compliqué, j'allais sur les fesses, hein. Il m'est arrivé aussi de devoir calculer avec la vague de la mer que le bateau approche du quai et chaque fois que la vague repartait, il s'éloignait. Donc je calculais le moment où je devais propulser sur mes bras mon corps sur le bord du bateau pour qu'on me rattrape. Donc il faut faire attention. Voilà. Alors, lorsqu'il s'agit des personnes handicapées et qui voient arriver une personne occidentale handicapée et qui vient vers eux, la première chose, c'est qu'ils sourient. Ils rient, parce qu'ils se disent, il n'y a pas que nous. C'est aussi simple que ça. Je suis né spina bifida. C'est une atteinte à la moelle épinière. Soit on se trouve avec une sensibilité atténuée, soit on se trouve avec une paralysie, tout simplement. C'est une des premières maladies reconnues par l'Académie nationale des sciences de Washington en lien avec la dioxine TCDD. Alors, est-ce que ma mère a rencontré de la dioxine TCDD? Pas forcément. Une absence d'éléments, de nutriments peut aussi, je crois, provoquer des malformations osseuses ou des incomplétudes, puisqu'il s'agit de ça dans le cas des spina bifida. Le spina bifida a été reconnu comme une maladie par l'Académie de médecine américaine, pouvant être provoquée par l'agent orange. En lien absolu avec la dioxine contenue dans l'agent orange. It was one way we were going to win the Vietnam War. Dump herbicides all over the jungle so the Viet Cong would come out and fight. North Vietnam charged today that defoliants have produced many instances of miscarriages, congenital defects, and monstrosities among children. On parle d'agent orange, mais il y a plusieurs agents. Agent rose, rouge, comme l'agent vert, l'agent pourpre, l'agent bleu, l'agent blanc, puis plus tard l'agent orange. Les barils d'agent orange avaient une bande orange qui entourait les barils, ce qui permettait de ne pas les confondre avec d'autres. Par exemple, l'agent bleu, qui contenait de l'arsenic, était très efficace contre les rizières pour affamer les populations. Mais l'agent orange est l'agent qui est le plus toxique. C'est une appellation qui est un nom de code militaire. Et qui laisse plus de séquelles, de dégâts. Ouais. Qui permet de ne pas mettre sur les barils qui le contiennent sa composition. On ne connaît pas ce que les chimistes appellent l'effet cocktail. Quelle molécule plus telle autre molécule encore et ainsi de suite rassemblée, qu'est-ce que ça provoque? Et les fongicides qui ont été utilisés aussi, tout ce qui termine par cide, hein, c'est facile, qui tue, ça a été utilisé par millions de litres, hein, de tonnes. Il faut comprendre que ce paysage est infesté de molécules nocives qui s'additionnent. Bon, le propre de la dioxine TCDD, qui est davantage notre sujet, a la propriété d'être liposoluble et donc se fixe dans les graisses animales, dans les œufs, dans le lait, dans les poissons, dans les bovins, et donc passe dans la chaîne alimentaire, et il y a une bioaccumulation qui se fait dans les organismes, d'autant que les compagnies chimiques n'arrivaient pas à produire suffisamment d'herbicides à cause de la demande de l'armée. Et par conséquent, sachant que la norme conseillée par les fabricants chimistes était de 24 litres à l'hectare, et sachant quelles étaient les surfaces qui ont été sprayées une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, sept fois, dix fois et plus, il faut multiplier autant de fois un équivalent hectare, puisque si vous épandez 24 litres sur un hectare, on connaît le volume utilisé. Mais si vous le passez 10 fois, ça fait 240 litres. Alors, qu'est-ce qu'il faut considérer? Il faut bien considérer ce millefeuille, cet empilage d'épandages successifs. Et dans ce cas-là, moi, j'atteins un chiffre de 350 millions de litres. Très, très éloigné de ce qui est communément admis. 350 millions de litres auraient été épandus. Et officiellement ? Officiellement, 84 millions de litres. Ce qui change tout à fait le rapport de dioxine pure qui a été épandue. Lorsqu'on sait qu'une étude de l'Université Columbia de New York, qui a été réalisée au début des années 2000, a estimé que 80 grammes de dioxine introduite dans un système de distribution d'eau d'une grande ville pourrait tuer 8 millions de ses habitants. Alors, j'étais très émue en vous lisant. Lorsque vous êtes dans le maquis, vous marchez de très longs jours et vous empruntez des pistes. Et là, Vous croisez des jeunes adolescentes, des centaines d'adolescentes que vous appelez les anges et qui sont des jeunes volontaires. Qui sont-elles ? Quand je parle d'elles, je suis toujours très émue parce que je me sens toujours endettée envers ces jeunes filles. Parce que pendant la guerre, il y avait les soldats, il y avait l'armée, mais il y avait aussi une autre armée, c'est l'armée des jeunes volontaires. Et les jeunes gens, ils étaient dans l'armée. Ils ne restaient au village que des jeunes filles. Alors, ces jeunes filles aussi, c'était en tant que volontaires, ils sont partis pour la guerre aussi, mais pour faire des très très lourdes tâches, par exemple, faire les routes à travers les montagnes, puis rester là sous les bombardements, ou bien c'est pour emporter les blessés. Et même quand elles portaient les blessés, par exemple, puis s'il y a un bombardement, elles se jetaient sur le blessé pour le couvrir et pour le sauver. Donc c'était des jeunes de 16 ans, de 15 ans, de 18 ans. Elles étaient très jeunes et puis elles s'étaient engagées comme ça. À mes yeux, ce sont plutôt des anges. Oui, des anges. Dont nous entendons les chants avant d'apercevoir les visages enfantins. Elles disent que leur chanson aide à assourdir les bombes. Qu'est-ce qu'elles chantaient comme refrain ? Ding hein, ah, ding bom. Il ne faisait même pas jour, on ne les voyait pas, mais on les entendait déjà chanter. On chante toujours moi aussi là, sur la piste, là, ou bien dès que j'ai un sac à dos dans mon dos, là, je chante. Sur la piste, moi je marchais, elles aussi, elles marchaient, mais elles faisaient leur travail, là, alors que moi, je me disais... Je n'aurais jamais la force de faire ce qu'elles font. Que moi, je marchais mais vers mon bonheur. Et puis, je marchais aussi pour réaliser mon rêve. Franchir Tuang Son pour aller libérer le pays. Et mon devoir de citoyenne. Un seul mot d'ordre en tête, le rêve de réunification. Mais elle, la famille, le village étaient derrière elle. Au cours de la guerre, elles seront 150 000 à travailler encore et encore. C'était de conditions modestes, très souvent. Très souvent, des paysannes. Ouais. Ce qui me fait très mal aussi, parce qu'il y a même 18 filles volontaires comme ça, qui, à cause d'un bombardement, elles étaient prisonnières dans une grotte, et elles moururent comme ça, asphyxiées, de faim, je ne sais pas. Mais je ne peux pas vous décrire tout ce que la guerre nous a fait, tout ce que la guerre nous a laissé. Good evening, my fellow Americans. Richard Nixon. Président des États-Unis. Tonight I want to talk to you on a subject of deep concern to all Americans and to many people in all parts of the world. The war in Vietnam. Nixon a été particulièrement féroce sur ses déclarations. Par exemple, il demande qu'on trouve une solution pour amener les Vietnamiens à la réédition. Et il disait à Kissinger, vous devez trouver la solution pour qu'ils capitulent. Et Kissinger lui disait, mais doit-on songer à la bombe atomique ? Il dit, toutes les solutions doivent être sur la table. Il n'est pas nécessaire de faire une guerre nucléaire. Il pense que la défoliation intensive permettra de dénicher sous le couvert végétal leurs ennemis qui sont dans leur pays, qui avec des moyens tout à fait rudimentaires mettent en échec la plus grande armée du monde avec un arsenal jamais vu. Et les mots utilisés sont importants. Il me semble que par exemple, à un moment où les Américains pensent au nom de Hadès. Oui, Hadès, c'est le dieu des morts chez les Grecs. Et comme ce nom de baptême était trop explicite, ils ont choisi Opération Dry Dust, qu'on peut traduire par traînée de poussière. Et puis, ensuite, ils ont choisi un nom de code militaire, c'est celui qui va rester, c'est Opération Ranch Hand, c'est-à-dire ouvrier agricole qui fait bien son travail, parce que, voyez-vous, l'opération des agents chimiques, ben c'était un ouvrier agricole, c'est beaucoup plus anodin, c'est moins révélateur du poison qu'ils étaient en train d'épandre, oui. L'aviation américaine a déjà épandé toute la région. Donc ils ont transformé la région en désert, quoi, parce qu'il n'y avait que des squelettes d'arbres. Il n'y a plus de vie sur la surface de la terre. La vie était à ce moment-là sous terre. Donc les souterrains les ont pris. Mais les Américains et l'armée du Sud ne comprenaient pas qu'ils ne pouvaient pas nous chasser de là. Qui ne pouvaient pas séparer nous, les maquisards, les résistants, avec la population, parce que la population était toujours avec nous. De mon point de vue, on ne peut pas vaincre une guerre du peuple. C'est-à-dire que les épandages vont être surtout portés sur la piste Ho Chi Minh, qui relie le nord au sud, en passant par le Laos et ressortant au Cambodge, disons, à l'ouest de Saïgon. La piste Ho Chi Minh sera copieusement arrosée et bombardée, bien sûr. Et elle sera une expérience technologique absolument extraordinaire pour l'époque. Les avions largueront des capteurs thermiques, ils largueront des capteurs de mouvement, mais aussi toutes ces sondes qui permettaient de repérer à quel endroit il y avait des humains sous le couvert végétal. Les sondes thermiques étaient si précises qu'elles pouvaient même signaler des excrétions, des selles d'un soldat vietnamien. C'était terrible. Ils étaient dans une technologie de guerre qui préparait ce qu'on connaît aujourd'hui. En réalité, c'est un laboratoire de la guerre du futur. Je me suis engagée pour la marche sur la piste de Ho Chi Minh. Et puis, je devais faire encore une marche de à peu près 20 jours à pied pour rejoindre ma mère. Alors, c'était en 1966, après 10 ans de séparation, alors que je n'avais que 12 ans. Et presque tout de suite après mon départ, elle était capturée et dès lors, elle était transférée de prison en prison. Et dans chaque prison, elle était la première cruellement torturée parce que les geôliers pensaient toujours qu'elle était à la tête de tous les mouvements. Elle était torturée pas comme les hommes. On le met en plein soleil dans une autre cage en ciment et bras et jambes liés comme ça. Et la laisser pendant des heures et des heures comme ça, jusqu'à évanouissement, pour dire qu'il ne suffit que tu dises que tu es contre la révolution. Mais toujours, elle avait gardé son courage, son calme, et aussi elle a conservé tous les secrets qu'elle tenait en elle. Et puis finalement, on l'a transférée au bagne du Polo Condor, mais ma grand-mère la suivait. Toujours, mais quand elle était arrivée, quand ma mère l'a rencontrée, elle a dit tout de suite, « Maman, tu m'as vue, maintenant tu dois partir. » Ma grand-mère pleurait, mais dit, « Mais tu me laisses quand même rester une ou deux heures pour que je puisse te regarder. » Elle dit, « Non, maman, tu dois partir. » Et ma grand-mère était partie comme ça, en larmes. Et donc, je vous parle aussi du combat rude, mais aussi des sentiments. Ça s'entremêle. On est toujours très humain, mais côté combattant, on reste toujours très décidé d'aller jusqu'au bout. Des années plus tard, oui, bien plus tard, je lis un article du philosophe Bertrand Russell. initiateur du premier tribunal d'opinion sur les crimes de guerre au Vietnam. Un GI est venu le voir pour lui confier un secret qu'il n'avait plus la force de garder. À la fin de l'opération Cedar Falls, on lui avait ordonné, ainsi qu'à deux autres boys, d'interroger une dirigeante du FNL. Durant 2 heures, il l'avait torturée à l'électricité, sans pouvoir lui arracher un mot. Puis elle avait été conduite ailleurs, et le soldat n'a jamais su ce qu'elle était devenue. C'était ma main. J'en suis convaincue. Les informations concordent. Elle a disparu le premier jour de l'opération. Aucune autre disparition de femme n'a été signalée ce jour-là parmi les responsables du FNL. Alors, sur le chemin vers ma mère, un jour, j'étais dans une plantation d'EVA, les petits agents de liaison qui m'amenaient, disaient, mais grande sœur, il faut descendre parce qu'il y a un avion qui nous survole, ils vont bombarder. Si tu entends le bruit de l'avion qui fait comme « caou », c'est le bruit de la bombe qui descendait. Et après, quand la bombe atteint la terre, alors ça fait « doum », c'était l'explosion. Alors j'étais restée là à regarder l'avion et j'attendais le bruit « caou », mais ça n'arrivait pas. Mais à la place, c'était une boule qui descendait et c'était la fumée qui montait. Et je dis « mais où est le « caou » et le « doum » ?» Il n'y en a pas. Donc je suis partie de là et 5 minutes après, 2 autres avions étaient venus et puis on bombardait toute la région. Finalement, j'arrivais, mais ne serait-ce pas ça aussi, une bombe signale. Les B-52 lâchaient des bombes à effet de souffle, des bombes incendiaires, des bombes à fragmentation. Les bombes à effet de souffle, ce sont des bombes qui soufflent sur 500, 800 mètres, près d'un kilomètre à la ronde, il n'y a plus rien. Tout meurt, même les individus, parce que la pression sur les poumons est si forte qu'ils éclatent et qu'il n'y a pas de vie qui puisse s'échapper sur ces bombes. Les bombes à fragmentation étaient des bombes mères qui contenaient un grand nombre de bombes filles qui elles-mêmes dispersaient 180 billes de plastique chacune qui pénétraient l'organisme des hommes, du bétail, et qui étaient indétectables à la radiologie pour pouvoir les opérer. Ce sont 5 millions de morts qu'il y a eu et 80% étaient de la population civile. Je trouve que c'est maintenant là que j'ai 80 ans. Et quand je pense que, à la rencontre avec ma mère, elle n'avait qu'une quarantaine, et je la voyais comme, elle est très âgée, une personne, alors que moi, je suis encore toute petite. Et quand je l'ai vue venir vers moi, alors moi, j'étais restée silencieuse, sans même pas bouger, quoi. Et elle me regardait, elle me faisait un sourire, elle avait des petites fossettes. Un très joli sourire. Et puis, elle est restée là. Et puis, finalement, je me suis approchée d'elle. Je l'ai prise dans mon bras. Je l'ai soulevée comme ça. C'est une minute de bonheur. Avec ma maman, on était revenus pour prendre ce qui nous reste, nos affaires. Et comme il n'y avait plus d'abri, il n'y avait qu'un fossé de bombes, et l'avion arrivait. Et moi, je voulais protéger ma mère. Ma mère voulait me protéger. Et finalement, on s'est enlacés comme ça, parce qu'on se jetait dessus l'une de l'autre. Donc, on a frôlé la mort comme ça, mais quand j'ai regardé la bombe passer, puis elle va exploser ailleurs. Alors c'était à ce moment-là que maman m'a dit que Nga, si je ne reviens pas, c'est à toi de me remplacer. Et c'est comme un testament moral. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, je fais ce qu'elle m'a demandé. Fait sur la végétation, les animaux, etc., les cultures vivrières, fait que dans certaines régions, il y a une famine et que les premiers à en souffrir sont les enfants. Jacques Aubertin, journal de la Radio française, 17 décembre 1970. Une première conférence animée par des scientifiques alerte sur l'agent orange. Les défoliants favorisent-ils, comme naguère la thalidomide, la naissance d'êtres monstrueux ou mal formés? Les hommes de science n'en sont pas encore certains, mais le problème est posé par le professeur nord-vietnamien. Dans les jours qui suivent, va apparaître en Malais une espèce d'asthénie intense. Puis, si ces femmes sont enceintes, n'est-ce pas, elles mettent après au monde, quand elles sont venues au Vietnam, des enfants difformes, une proportion trop élevée pour admettre que ce soit une chose naturelle. Une expérimentation a été faite sur un certain nombre d'animaux, et ces expérimentations montrent qu'à des doses relativement faibles, les produits en question peuvent produire des malformations énormes des animaux dans 100% des cas. Tous les scientifiques qui sont présents à cette conférence sont profondément conscients de leur devoir vis-à-vis de leurs confrères et vis-à-vis de l'opinion en général pour faire tout ce qui est en leur possible pour éviter cette guerre chimique qui est une véritable perversion de la science et des applications de la science. La guerre du Vietnam a été le moment où le terme d'écocide a été popularisé, même s'il avait déjà été évoqué après les procès de Nuremberg dans la... Valérie Cabanès, juriste. Les propositions qui avaient été faites dans la rédaction du crime de génocide, avec cette idée qui était qu'on pouvait commettre un génocide en détruisant les conditions de vie d'une population et donc son environnement. Mais c'est vrai que la guerre du Vietnam a été le déclencheur parce que ça a été le moment où a été dénoncé les actions de l'armée américaine au Vietnam, mais pas seulement, aussi au Laos et au Cambodge, en déversant donc des dioxines. Et c'est en fait un biologiste qui, pendant les années 42-43, faisait une thèse sur des pesticides et qui a réalisé en fait que l'objet de son travail avait été utilisé par l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam, et il avait conscience des risques pour l'environnement à long terme de l'utilisation de cette dioxine. Et c'est lui donc, Galston, qui a alerté la communauté internationale en disant qu'un écocide était en train d'être commis, et c'est un terme qui a été repris ensuite au premier sommet de la Terre en 1972 par le premier ministre suédois Olaf Palme à l'ouverture, en qualifiant là aussi les agissements de l'armée américaine au Vietnam d'écocide. Que se passe-t-il ce jour-là où un C-123 vole à basse altitude? Que comprenez-vous ce jour-là? Quand j'ai entendu le bruit de l'avion nous survoler comme ça, donc j'ai sorti de l'abri et puis je suis restée debout là devant. C'était quand même très imprudent quoi. Mais j'étais restée à regarder l'avion et l'avion s'envolait et laissant derrière lui comme un nuage blanc. Je regardais encore et le nuage blanc descendait très très rapidement et j'étais enveloppée d'une sorte de liquide assez gluant. Alors je commençais à tousser. Puis m'étouffer même. Dès l'épandage, quelques heures après, les feuilles sont mortes, se tombent. Donc ma mère revenait et puis elle me, bien sûr, me grondait et puis elle me dit « va te laver ». Donc je me lavais et puis j'oubliais l'incident. Vous avez oublié, vous êtes reparti au combat. Oui, je continue. Et puis la première fois, j'ai reçu le poison du ciel. Mais après, j'ai pataugé plusieurs fois dans des marécages, tout ça. Je marchais dedans et je buvais aussi cette eau-là, tout ça, mais je n'y pensais pas aux séquelles, aux conséquences de ça. Ouais. Il comprenait bien qu'il ne s'agissait pas d'un cadeau. Maintenant, il ne savait pas qu'il s'agissait d'armes chimiques. D'autant plus que les Américains avaient à un moment vraiment bombardé des tracts par avion. Hein. Ils avaient lâché des tracts en grand volume pour informer la population comme quoi ça ne présentait aucun danger, ni pour eux, ni pour le bétail, que c'était simplement pour enlever les mauvaises herbes. Voilà. Tout le monde pense que c'était simplement un défoliant qui détruit la végétation, mais qui nuit pas à l'être humain. Mais on n'a pas fait attention qu'à partir de ce moment-là, les gens mouraient de plus en plus de cancer. Comme moi, quand j'ai mis au monde ma première enfant, je ne pensais pas que c'était à cause de ce que j'ai reçu, mais je pensais que c'était ma faute, voyez. Donc tous les autres aussi. N'empêche que déjà en 1967, le président du Front National de la Libération, l'avocat Maître Muhutar, a parlé déjà des effets de l'agent orange pour l'être humain, mais personne n'a fait attention. C'est surtout ce qu'on appelle la chloracnée, c'est-à-dire ce sont des réactions cutanées à ces agents chimiques qui créent des papules et des comedons sur la peau qui peuvent devenir très gros comme une orange. Le corps en est criblé et l'individu devient une forme de chou-fleur, quoi. Et ça, c'est la maladie, c'est la réaction la plus courante, hein, aux agents chimiques. Mais déjà, dès les années 80, au Vietnam, des personnes se sont mobilisées pour dire « nous avons été atteints par l'agent orange ». À partir de 78-80, on commençait seulement à parler de ça et on commence à comprendre des problèmes de naissance, des monstres, des enfants mal formés. Parce que avant, comme mon cas, là, on disait toujours que les parents qui ont mis au monde des enfants handicapés ou bien des bones de chair, là, c'est peut-être que ce sont des parents qui ont commis des crimes ou bien des fautes dans leur vie antérieure. Donc, à partir de 1980, on commence à parler un peu seulement, on en parle, mais après, il y a de plus en plus de victimes. À ce moment-là, j'étais encore très jeune, 22-23 ans. J'étudiais la médecine depuis 4 ans à Saigon. Et j'ai assisté à de nombreux accouchements de bébés difformes. Et ce fut horrible. J'étais si inexpérimenté et devant ces mamans et leur bébé anencéphale. Et ces mamans qui criaient, j'ai fait un bébé singe. Je me suis demandé quelle était la raison de tout cela. Je me suis juré que je trouverais des explications. En 1980, la commission 10-80 au Vietnam associe dioxine et pathologie du Sud-Vietnam. La dioxine se dilue. Qu'est-ce que vous avez comme document, comme élément qui puisse prouver le lien entre dioxine et les pathologies? Oui, il faut bien comprendre ce qui s'est passé au Vietnam. Maître William Bordeaux. Moi, j'ai été 3 fois. J'ai visité l'Institut de puériculture animé par ce médecin absolument héroïque à Ho Chi Minh Ville. Quand on en ressort, on a des cauchemars pour des nuits entières. Et puis surtout, au Vietnam, ça a pris du temps. Mais aussi, c'est un pays où il a fallu digérer, absorber toutes les conséquences d'une guerre absolument atroce qui avait dévasté le pays, outre le fait qu'il fallait se doter aussi de laboratoires d'analyse, de compétences scientifiques, et qui n'étaient pas exactement très présents à Ho Chi Minh Ville ou à Hanoï, y compris dans les années 80-90. Donc oui, tout ça a fait une convergence de facteurs qui fait que ça a pris du temps. C'est le docteur Arnold Schechter qui a trouvé des niveaux élevés de dioxine dans le lait des mères vietnamiennes. C'était dans les années 80, c'est ça? Oui, absolument. Alors, l'infection par le lait, l'infection par le sang. Il y a eu des jeunes médecins qui ont compris sans doute plus vite que les autorités ce qui était en train de se passer. Les autorités vietnamiennes, bon, c'était, on le sait, c'est un parti unique, hein, donc il y a une certaine inertie. Il y avait une composante politique aussi très forte. Derrière l'agent orange, c'est les États-Unis. Il y a une politique de petits pas et de rétablissement de relations entre le Vietnam et les États-Unis. Bon, bref, mais la volonté politique finalement a été au rendez-vous et c'est maintenant une cause absolument nationale. Madame Phuong, elle n'a pas arrivé tout de suite à la conclusion que ces bébés malformés étaient victimes de l'agent orange. Mais elle a observé qu'il y a beaucoup d'enfants issus des parents soldats anciens qui sont nés comme ça, ou bien en monstre, ou bien en boule de chair. Et c'est pour ça qu'elle a conservé tout ça dans des bocaux. Elle a mis tout ça dans le musée des crimes de la guerre. Et c'est seulement bien après ça qu'on est arrivé aussi à conclure que c'était les séquelles de l'agent orange. Et puis après, on a pu aussi faire des analyses, des tests pour découvrir la dioxine dans le sang, bien dans le foie. Mais c'était tellement cher que toutes les victimes n'arrivent pas à le faire, quoi, moi-même. Parce que là, le laboratoire allemand fait ces recherches-là, mais ça coûte au moins 2000 euros. Et au Vietnam, on dit toujours que les victimes de l'agent orange sont des gens les plus misérables parmi les misérables, sont les plus malheureux parmi les malheureux, sont les plus pauvres parmi les pauvres. Donc, ils ne peuvent rien faire, quoi. Ouais. I was very lucky to get one copy. J'ai eu la chance de récupérer une copie des documents de l'Académie américaine des sciences en 1974 sur l'aspect biochimique des épandages. Many things about the spray, but about the human's health. They said many things about the spray. Seulement, ils ne s'attardaient pas sur les conséquences sur la santé humaine. But why they don't? Et surtout sur l'effet concret des produits chimiques. Human health as effects of the toxic chemicals. So I. Je me suis documenté et j'ai lu énormément. Et j'ai découvert que la quantité des produits chimiques épandus avait augmenté entre 1961 et 1970. Et d'ailleurs, dans mon hôpital, le nombre de malades augmentait chaque année. Après le passage des vétérans vietnamiens à l'hôpital, j'ai pensé que c'était quasiment certain. Oui, j'en fus convaincu. Les épandages étaient à l'origine de ces effets sur les naissances et les autres maladies, comme les cancers, notamment celui du placenta des mères. It is a kind of cancer of the placenta. Le monde scientifique, les chercheurs sont alertés. Néanmoins, cela ne passe pas peut-être la barrière tout à fait de l'opinion publique qui est mobilisée contre la guerre du Vietnam avec plus de 100 000 manifestants dans les rues aux États-Unis. Mais néanmoins, la question des armes chimiques, elle arrive bien plus tard. La guerre du Vietnam, elle était contestée dans son ensemble, mais il n'y avait pas pointé du doigt, tout particulièrement les herbicides, qui sont en réalité une arme chimique. Il y avait les bombardements, il y avait le napalm parce qu'il est plus spectaculaire, on va dire. Les effets différés de l'agent orange sont moins tapageurs dans l'immédiat et dans le temps médiatique. Et on peut même dire que fin des années 80 ou début des années 90, les Vietnamiens eux-mêmes étaient très peu au courant des maux dont ils souffraient. Je pense qu'en haut lieu, ils avaient connaissance, ils savaient. Mais la population elle-même, On ne peut pas dire qu'il y a eu une prise de conscience. Je pense que la prise de conscience, elle se fait quand on alerte l'opinion publique internationale, au travers d'articles, en répétant, à répéter, c'est prouvé. Ce n'est pas parce qu'on parle de l'agent orange une fois, deux fois, trois fois, comme ça, de loin en loin, quand il y a un événement, à l'occasion d'un anniversaire ou bien d'une procédure, que ça suffit. Quand je quittais la jungle pour aller vivre à Saigon, alors j'étais très pâle. Et puis après, j'étais très, très fragile de santé. Alors, j'étais très fragile, très, très mince, quoi. Mais après, je me culpabilisais. Et je me disais toujours que je suis une très mauvaise maman. Parce que peut-être, je n'ai pas fait attention pendant ma grossesse. C'est pour ça que ma fille était née comme ça et condamnée d'avance. Et c'est vrai aussi que tous les médecins me disaient, mais de toute façon, elle ne survivra pas. Elle ne pouvait pas respirer. Mais c'était très, très pénible pour moi aussi. Mais jamais je ne pensais que c'était à cause des défoliants de l'agent orange. Comment vous avez appelé ce premier enfant? Viet Hai, c'est-à-dire la mère du Vietnam. Après, il me reste deux filles. Donc l'une est Viet Hong, la rose du Vietnam. Et puis après, Viet Lien, le lotus du Vietnam, toujours du Vietnam. Déjà, ma première fille, elle était née avec une malformation cardiaque. Elle est morte, donc on ne parle plus. La deuxième, elle est née aussi avec une petite malformation à la colonne vertébrale. Et c'est surtout qu'elle a des graves problèmes de poumons, de respiratoire. Elle est très gravement asthmatique et elle transmet cette maladie à ses enfants aussi. Et la troisième fille née en prison, là, elle aussi, elle est née avec une malformation du cœur. C'est-à-dire, chacune de mes filles est née avec une malformation. Have your attention, please, people. I've been exposed to Agent Orange. Please, people. Aux États-Unis, les vétérans américains ont porté plainte, ils ont mené un parcours du combattant parce que sous Reagan, on les a évacués. Même le président Reagan a dit au laboratoire de recherche, je ne veux pas que vous trouviez de lien de causalité entre les pathologies de nos vétérans et l'agent orange. Donc en réalité, tout était bidonné. Par la suite, la longue lutte des vétérans américains a débouché sur un arrangement des plus grandes compagnies qui se sont mis autour d'une table, autour de l'avocat Jack Weinstein, et qui leur a accordé un fonds de 184 millions de dollars répartis entre les différentes victimes états-uniennes. Naturellement, c'était un pourboire parce que divisé par le nombre, ils avaient presque rien, quoi. Par la suite, il y a eu de nouveau des procédures, mais le but était surtout de ne pas créer un précédent juridique. Parce que le système juridique états-unien est un système jurisprudentiel. Et s'ils avaient dédommagé officiellement par voie de justice un vétéran victime, inévitablement, une cohorte de victimes s'en serait suivie. Et ils ne voulaient pas payer, c'est tout. Maintenant, on n'imagine pas des sociétés américaines qui se croient plus blanches que blanches et qui payent 180 millions de dollars sur la table si elles ont la conscience nette. On ne rend pas justice. C'est une négociation. C'est une négociation qui ne reconnaît pas de façon juridique la causalité entre l'agent orange et les pathologies des vétérans américains. Les vétérans américains ayant eu gain de cause, même de façon modeste, il est possible pour les Vietnamiens également de porter plainte. C'est ce qu'ils ont essayé de faire en 2004. Ils ont été déboutés en première instance, déboutés en cour fédérale et déboutés à la cour suprême. Et donc, on voit bien qu'on n'a pas de solution pour coincer les États. Donc, ils ont tenté ce procès parce que, après 20 ans d'embargo, l'embargo étant la continuité de la guerre, c'est un acte de guerre, dans le droit international, on a 10 ans pour pouvoir revenir sur des faits antérieurs de guerre. Et la procédure vietnamienne aux États-Unis s'est déclenchée juste quelques jours avant les 10 ans échus, pour essayer de tenter, eux aussi, d'obtenir ce que les vétérans américains ont obtenu, hein, pour les mêmes raisons, mais qui a été de toute façon un échec aussi. Il faut aussi savoir que pendant ce procès, George Bush a fait intervenir ce qu'on appelle l'attorney général, c'est-à-dire le ministre de la Justice aux États-Unis, pour dire « ne recevez pas la plainte des Vietnamiens, car si vous receviez la plainte vietnamienne, tous les ennemis des États-Unis d'Amérique viendront pousser les portes des palais de justice américains ». Voilà, donc l'ultime plainte ne pouvait plus s'adresser à l'État, mais simplement aux multinationales qui ont fabriqué l'agent orange. Maître William Bourdon, vous traquez l'impunité des multinationales. Là, elles se protègent derrière ce qu'on appelle l'immunité juridictionnelle. Qu'est-ce que c'est ? D'abord, l'immunité juridictionnelle, c'est le moyen d'acquérir son impunité. Donc, les entreprises ont dit, nous étions une émanation de l'État, un prolongement de l'État, une sorte d'artefact de l'État. Et donc, à ce titre, on doit bénéficier de l'immunité attachée à l'immunité juridictionnelle de l'État. Bon, nous pensons qu'il faut aller au-delà des apparences et que c'est une théorie fictionnelle de dire que ces entreprises, même s'il pouvait y avoir des capitaux publics, étaient une forme de prolongement direct ou indirect de l'État et que l'immunité ne se propage pas comme ça au seul motif qu'il y a des relations contractuelles entre l'État, le Pentagone et des grandes entreprises américaines, y compris avec des capitaux publics, et que par ailleurs, et ça c'est évidemment un point central, s'il y a des violations des droits les plus fondamentaux, l'immunité cède. Alors cette immunité, elle a commencé à céder sur les grands crimes de sang. C'est la Cour pénale internationale qui a aboli toute immunité pour les chefs d'État en exercice, c'est l'arrestation de Milosevic. Et, argument essentiel, l'immunité ne doit pas servir de couverture pour faire du blanchiment. Et donc, il y a un nouveau pilier qui est venu depuis 20 ans, et ce pilier, c'est le droit à la santé, qui a été reconnu comme un droit constitutionnel en France, qui est un droit maintenant très protégé par tout un arsenal juridique international. Et donc, nous disons et nous allons plaider que, à supposer qu'on leur reconnaisse une forme d'immunité, cette immunité doit céder parce que Nia est atteinte du fait de cette imprégnation dans un droit fondamental qui est celui du droit à la santé et de ne pas voir sa vie écourtée, abrégée ou abîmée ou meurtrie par une imprégnation d'un produit qui n'a été fabriqué et fourni que en réponse à une seule logique, la logique du profit. Est-ce que vous êtes prête à repartir au combat ? Vous faites appel de la décision du tribunal d'Evry et vous continuez donc à porter plainte contre les multinationales. Dow Chemical et Monsanto. Mais ça y est, on s'est relancé. Donc, en 2022, j'espère que le tribunal d'appel de Paris nous répondra et nous donnera les informations sur leur décision. Et mes avocats m'ont dit que il faut se préparer encore pour 2 ans de combat. Il n'y a pas de discussion sur le fait que ces entreprises ont fourni à l'armée américaine l'agent orange. Il n'y a pas de discussion sur le fait qu'ils l'ont fabriqué. Ce n'est pas discuté. Il y a plusieurs rideaux défensifs. Il y a un premier rideau qui est de dire « Mais nous, on ne savait pas les effets du produit, donc on ne peut pas être accusé de maltraitance sur qui que ce soit. » Alors là, on leur défonce la figure parce que on démontre qu'à l'époque, il y avait une documentation qui vraiment très clairement établissait cette connaissance de cette corrélation. Et par ailleurs, ces grandes entreprises, y compris dans les années 60, c'était pas la PME du coin, donc évidemment qu'ils le savaient. La guerre du Vietnam a été révélatrice de l'écocide parce que l'épandage massif de dioxines a atteint le génome humain parce que les effets différés de ces molécules chimiques franchissent les générations, peuvent même sauter une génération et réapparaître une génération, 2 générations plus tard. Elle se lie à une hormone naturellement présente dans toutes les cellules qui est l'aryl-hydrocarbone et parvient ainsi à pénétrer le noyau de la cellule et à interférer sur les caractères génétiques. Notamment lors de l'embryogenèse, c'est-à-dire de la constitution du fœtus. Oui, le fœtus y est d'autant plus sensible puisque lors de l'embryogenèse, c'est la formidable multiplication des cellules à ce moment-là et on devine bien ce qui peut se passer et qui aboutit à des naissances de nouveau-nés difformes, voire qui échappent à la morphologie générique humaine. Si vous repensez à ces jeunes femmes volontaires, à celles que vous nommez les anges, est-ce que vous pensez que certaines sont décédées des effets de l'agent orange ? Certainement, parce que plusieurs sont décédées jeunes aussi avec des cancers, parce qu'elles étaient aussi dans les zones que l'aviation américaine concentrait leur épandage aussi. Donc elles sont mortes, elles sont malades, je les ai rencontrées. Elles aussi, elles sont très très malheureuses. Ouais. Si le tribunal me donne la raison, j'aurai un dédommagement. Alors peut-être je ferai quelque chose pour elle, mais on n'aurait jamais pu payer la dette de pays envers elle. Quoi. Des femmes, des héroïnes, sans être jamais nommées, mais ce sont des vraies héroïnes. Ouais. Ce qui est le plus cruel que fait l'agent orange, c'est que ça se transmet de génération en génération et ça continuera je ne sais pas jusque quand. Et c'est pour ça qu'on est déjà à la 4e génération, la 5e arrivera, et puis on ne peut pas arrêter. C'est vraiment le procès de la dernière chance. Nous sommes dans un temps toboggan et dans une logique de compte à rebours. Je ne vais pas leur faire un procès atroce que de dire que ces entreprises, en multipliant le dilatoire, les conclusions pour essayer d'asphyxier la procédure, jouent la montre avec ce discours cynique de ces entreprises qui est de dire « circuler, il n'y a rien à voir ». Nous, on a l'impunité et l'immunité de notre côté. Écocide, qualifier le crime. Vue du ciel, l'agent orange. Avec, par ordre d'apparition, Marielle Massé, Trantonia, André Bouny, alerteur et auteur, Valérie Cabanès, juriste, Maître William Bourdon, Docteur Nguyen Tignoc Fong, Angelica Kiyomi et la voix de Trantonia. Traduction, Laurent Lederer. Mixage, Claire Levasseur. Écocide, une série documentaire proposée par Nejma Bouakra et réalisée par Thomas Duterre. Coordination, Perrine Kervoin, Marie-Vonne Abolivier. Documentation, Anne-Lise Signoret.